Chapitre 6e. Les amours de Frank Gresham. Après être restées une demi-heure au salon, les dames pensèrent qu'elles pouvaient bien descendre sur la pelouse. Une d'elles se hasarda à sortir, puis une autre, puis on parla de mettre des chapeaux, et bientôt, les plus jeunes ayant donné l'exemple, toutes se trouvèrent habillées pour une promenade. Les fenêtres du salon et de la salle à manger donnaient sur la pelouse. Il était tout naturel que les jeunes filles allassent des unes aux autres, et encore plus naturel que leurs grands chapeaux de jardin fussent aperçus des jeunes gens. Aussi, peu d'instants après, le squire, les convives de son âge, se trouvèrent-ils seuls dans la salle à manger. « Nous avons été enchantés de votre éloquence, monsieur Gresham, n'est-ce pas ?» dit Miss Auriel en se retournant vers une des demoiselles de Courcy qui se promenait avec elle. Miss Auriel était une charmante jeune fille ayant peut-être un an de plus que Frank. Elle avait des cheveux bruns et de grands yeux noirs. Le nez un peu trop prononcé, la bouche jolie, le menton admirable, et ainsi que nous l'avons dit, une grande fortune, ou à peu près, c'est-à-dire quelque chose comme 20 000 livres sterling. Elle était venue, 2 ans auparavant, se fixer à Greshamsbury avec son frère, pour lequel, grâce à la position gênée du squire, on avait acheté le bénéfice ecclésiastique du vivant même du vieux prédécesseur de M. Auriel. C'était, sous tous les rapports, une charmante voisine que Miss Auriel. Gaie, d'humeur enjouée, n'ayant ni trop ni trop peu d'esprit, appartenant à une très bonne famille, ayant pour ce monde l'affection qu'une jolie jeune fille peut avoir, et pour les choses d'un monde meilleur, l'affection qui convient à la sœur d'un ministre. « Oui, en vérité, Frank est très éloquent, » dit Lady Margaretta, « il m'a presque fait venir les larmes aux yeux avec sa description de notre rapide voyage de Londres. Mais son éloquence n'est rien en comparaison de son talent pour découper. J'aurais voulu vous y voir, Margaretta. Merci, Frank, vous êtes trop aimable. Mais il y a une consolation, Miss Auriel, à se dire que tout cela est fini. On ne devient pas majeur 2 fois. » « Mais vous allez passer vos examens, monsieur Gresham, et il faudra bien que vous fassiez un autre discours, puis vous vous marierez, et vous en aurez 2 ou 3 à faire. J'en ferai à votre mariage, Miss Auriel, longtemps avant d'en faire au mien. J'en serai charmé, ce sera bien aimable à vous de protéger mon mari. Mais je ne suis pas sûr que lui veuille bien me protéger. Vous épouserez quelque savant ou quelque grand personnage, n'est-ce pas, Margaretta ?» Miss Auriel chantait si bien vos louanges tout à l'heure que je commençais à croire qu'elle désirait se fixer à Greshamsbury pour toute sa vie. Frank rougit et Patience se mit à rire. Il n'y avait qu'un an de différence entre eux, mais elle était une femme faite, tandis que Frank n'était presque qu'un enfant. « Je conviens que je suis ambitieuse, Lady Margaretta, » dit-elle, « mais je sais modérer mon ambition. J'aime passionnément Greshamsbury. » Et si M. Gresham avait un frère plus jeune que lui, peut-être que... Un frère qui me ressembla. Précisément, je ne pourrais pas désirer mieux. Aussi éloquent que vous, dit Lady Margaretta. Et sachant aussi bien découper, ajouta Patience. Votre manière de découper vous a gagné le cœur de Miss Bateson, lui dit Margaretta. Mais la perfection ne se trouve pas 2 fois, dit Patience. « Comme je n'ai pas de frère, » dit Frank, « tout ce que je puis faire, c'est de m'offrir en sacrifice. »« Vraiment ? Je vous ai plus d'obligation que je ne puis l'exprimer, monsieur Gresham, » lui dit Miss Auriel en lui faisant un gracieux salut. « Qu'en pensez-vous, Lady Margaretta ? Dire que l'héritier de Greshamsbury me fait une proposition de mariage le jour même que la loi lui donne l'entière responsabilité de ses actes. » Et puis il s'y prend avec tant de galanterie, ajouta sa compagne, « car il est prêt à renoncer à tout autre projet de mariage pour vous être agréable. »« Justement, et c'est là ce que j'admire, car s'il m'aimait, il n'y aura aucun mérite de sa part. Mais vous savez qu'un sacrifice... »« Oui, les dames aiment les sacrifices, mais en vérité, Frank, je ne me doutais pas de votre heureuse facilité à vous exprimer. »« Je n'aurais pas dû dire sacrifice, le mot m'a échappé, je voulais dire... »« Un instant, s'il vous plaît, » dit Patience. « Nous voilà à la déclaration. » « Vous n'avez pas un flacon de sel sur vous, Lady Margaretta, et un siège est-il prêt, en cas que je me trouve mal ?»« Mais je ne vais pas vous faire une déclaration, » dit Frank. « Vraiment ? Lady Margaretta, j'en appelle à votre loyauté. N'avez-vous pas compris qu'il se disposait à dire quelque chose de bien tendre ?»« Certainement, rien ne pouvait être plus clair. » »« Et c'est ainsi qu'il faut m'entendre dire que tout cela n'était qu'un jeu ? dit Patience en portant son mouchoir à ses yeux. Tout ça signifie que vous vous entendez à merveille à tourmenter un pauvre diable comme moi. Comment ? C'est vous, il me semble, qui vous faites un jeu de tromper une pauvre fille comme moi. Mais j'ai un témoin. Voilà Lady Margaretha qui a tout entendu. Quel malheur que mon frère soit ministre. Sans cela, vous ne vous seriez pas conduit de la sorte. Son frère les rejoignit comme elle achevait ses mots, mais il prit presque aussitôt les devants avec Lady Margaretha, qui avait trouvé le badinage de Patience et de Franck d'autant moins intéressant qu'elle était habituée à prendre la première part dans ces espèces de conversations. Ce n'était pas un homme ordinaire que M. Auriel. Bien que ministre, il était parfaitement digne de s'allier à la fille d'un comte. Mais comme on savait qu'il n'avait pas l'intention de se marier, ayant au point de vue religieux des idées assez exaltées sur le mariage, Lady Margaretha ne craignait nullement de se trouver seule avec lui. Dès qu'elle se fut éloignée, Miss Auriel changea le ton de la conversation. Elle pouvait en toute sécurité se moquer d'un jeune homme de 21 ans devant un tiers, mais il n'était pas convenable de le faire en tête à tête. « Je ne connais pas de position plus heureuse que la vôtre, Monsieur Gresham, » lui dit-elle en reprenant son sérieux. « Comment cela, Miss Auriel ? Parce que vous vous moquez de moi et de mes prétentions à faire l'homme, quand vous voulez me faire passer pour un grand enfant ? Je supporte assez facilement la plaisanterie, mais je ne vois pas comment cela peut contribuer à me rendre heureux. » Il était facile de voir que Franck était d'un tout autre avis que Miss Auriel, car il trouvait lui que le moment était venu, étant seul avec elle, de faire du sentiment et de prendre des airs de tendre chevalier. « Oh, Monsieur Gresham, on peut bien badiner entre aussi bons amis que nous le sommes. Vous en parlez tout à votre aise, Miss Auriel, et c'est là le privilège des jolies femmes. Mais rappelez-vous ce que l'araignée dit à la mouche. Ce qui fait ton plaisir peut causer ma mort. » Si l'on avait regardé Frank Gresham pendant qu'il disait cela, on aurait pu croire qu'il se mourait d'amour pour Miss Auriel. « Oh, Monsieur Franck, si vous commencez ainsi que vous êtes si jeune, que ferez-vous plus tard ?» Pendant que Franck se conduisait de la sorte, agissant absolument comme s'il avait eu le privilège, en commun avec le premier venu, de faire la cour à tous les jolis minois, ses intérêts majeurs n'étaient pas perdus de vue par ses anges gardiens, si désireux de répandre sur sa tête toutes sortes de bénédictions temporelles. Une autre conversation avait eu lieu dans les jardins de Greshamsbury. Conversation où rien de léger ni de frivole n'avait trouvé place. La comtesse, Lady Arabella et Miss Gresham avaient longuement discouru des affaires de Greshamsbury, puis Lady Amelia s'était jointe à elle. Or, de tous les deux coursiers, c'était la plus sage, la plus prudente et la plus orgueilleuse. Son amour pour la noblesse surpassait même celui de sa mère, et sa dévotion pour sa caste était telle qu'elle eût certainement refusé une place dans le ciel à moins d'y siéger parmi ses pairs. On parla d'abord du prochain mariage d'Augusta. M. Moffat avait été invité à se rendre au château de Courcy, et la comtesse y avait fait venir sa nièce avec l'intention bien arrêtée de conclure un mariage. Elle n'avait pas oublié de faire comprendre à sa belle-sœur que quoique M. Moffat fût un excellent parti pour une Gresham, il ne pouvait prétendre à s'allier à une de Courcy. « Ce n'est pas que nous ne le trouvions très bien de sa personne, » avait ajouté Lady Amelia, « mais vous le savez, Augusta le rend à ses inconvénients. » Comme Lady Amelia ne comptait pas loin de 40 printemps et qu'elle pouvait encore se promener, rêvant comme une vierge et cœur exempt d'amour, il est à présumer que pour elle, au moins, le rang avait eu de sérieux inconvénients. Augusta n'avait rien à répondre à tout cela. Que ce mariage fût convenable ou non pour une de Courcy, il devait l'être pour elle, et sous le rapport de la fortune, il l'était positivement. La demande avait été faite à sa tante et agréée par celle-ci. Si Augusta avait récapitulé ce qui s'était passé entre elle et M. Moffat, elle aurait vu que cela se bornait aux banalités de la conversation la plus ordinaire. Et cependant, elle se disposait à l'épouser. Tout ce que M. Gresham avait pu tirer de M. Moffat à leur première et unique entrevue, c'était la demande formelle et positive de 10 000 livres sterling avec la main de Miss Gresham. Il avait refusé net de continuer les négociations à moins de 6 000 livres, somme que le pauvre Squire s'était engagé à lui payer. M. Moffat avait été pendant un an ou deux membre du Parlement pour Barchester, grâce à la puissante protection des deux Courcy. C'était un Whig, cela va sans dire. Non seulement Barchester, s'éloignant de la ligne de conduite des anciens jours, avait élu un Whig membre du Parlement, mais il était encore question de lui opposer, aux prochaines élections, un radical outré, un partisan du scrutin secret et des réformes économiques de tout genre, un homme en un mot dont les tendances politiques sèmeraient dans Barchester le trouble et la confusion. C'était un homme Scatcherd, natif de Barchester, fameux par ses entreprises dans les chemins de fer. Il avait acheté une grande propriété dans le voisinage et s'était acquis une certaine réputation par son opposition acharnée contre l'aristocratie. À son point de vue politique, les conservateurs devaient être tournés en ridicule comme des sots, mais les Whigs devaient être détestés comme des fripons. M. Moffat était donc attendu à Courcy pour y surveiller ses intérêts politiques, et Miss Gresham devait y retourner avec sa tante afin de s'y rencontrer avec lui. La comtesse était très désireuse que Frank l'accompagnât aussi. Sa maxime, qu'il devait épouser une grande dot, avait été annoncée avec autorité et reçue avec déférence. Elle insistait maintenant pour que cela se fît promptement. « Les délais sont toujours dangereux, disait-elle, et les Gresham, elle ne faisait allusion qu'aux membres masculins de cette famille, étaient tous d'une nature très molle. On ne savait pas ce qui pourrait arriver, surtout avec cette Miss Thorne, toujours fourrée à Greshamsbury. » C'était la plus que Lady Arabella ne pouvait supporter. Elle protesta hautement contre une pareille supposition, ajoutant qu'il n'y avait aucune raison de croire que Frank déshonora jamais sa famille. « Peut-être que non, » dit la comtesse, n'en persistant pas moins. « Mais quand des jeunes gens de rang si opposés sont constamment jetés ensemble, on ne sait pas ce qui peut en résulter. » Personne n'ignore que le père de M. Bateson a épousé une institutrice. Et voilà M. Everbury de Taunton qui vient d'épouser une cuisinière. « Mais, » dit Augusta, qui commençait à comprendre qu'il était de son devoir de prendre le parti de Frank, « tout le monde sait que M. Everbury est presque toujours ivre. N'importe, ma chère, cela n'empêche pas que ces choses arrivent, et c'est affreux. »« C'est horrible, » ajouta Lady Amelia, « c'est dénaturer le sang le plus pur du comté et paver le chemin à une révolution. » Cette doctrine était très aristocratique. Aussi Augusta ne put-elle s'empêcher de penser qu'elle était sur le point de dénaturer le sang de ses futurs enfants en épousant le fils d'un tailleur. Elle se consola cependant en se disant qu'elle au moins ne pavait pas la route à une révolution. « Quand une chose est nécessaire, dit la comtesse, on ne peut s'y prendre trop tôt. Je ne sais si je réussirai, Arabella, mais je ferai de mon mieux. » « Miss Dunstable viendra nous voir la semaine prochaine, et tout le monde sait que son père lui a laissé en mourant plus de 200 000 livres sterling. « C'est une grande fortune, » dit Lady Arabella. « Cela paierait toutes les dettes et au-delà, » dit la comtesse. « C'est avec de la pommade, n'est-ce pas, ma tante, que M. Dunstable a fait fortune ?»« Je le crois. Avec l'onguent du Liban ou quelque chose de ce genre. En tout cas, la fortune y est. »« Et quel âge a-t-elle, Rosina ?» demanda Lady Arabella d'un air inquiet. « 30 ans à peu près, je suppose. Mais qu'est-ce que cela fait ?»« 30 ans ?» dit la pauvre mère. « Et comment est-elle ? Je crois que Frank a déjà un goût prononcé pour tout ce qui est jeune et joli. »« Mais ma tante, » dit Lady Amelia, « maintenant que Frank est arrivé à l'âge de discrétion, il est bon qu'il se souvienne de ce qu'il doit à sa famille. Un Gresham de Greshamsbury a un rang à soutenir. » Le rejeton des deux Courcy prononça ces paroles du même ton qu'un pasteur de campagne avertissant un jeune fermier qu'il ne doit pas se mettre sur un pied d'égalité avec un garçon de charrue. Il fut enfin décidé que la comtesse inviterait elle-même Frank à l'accompagner au château de Courcy et que quand il y serait, elle ferait tout ce qui serait en son pouvoir pour le retenir et hâter son mariage avec Miss Dunstable. Nous avions d'abord pensé à la donner à Porlock, dit-elle naïvement. « Mais quand nous avons vu qu'elle n'avait que 200 000 livres, nous y avons renoncé. » Il semblerait qu'une mésalliance dans la famille de De Courcy ne pouvait être rachetée qu'à un prix très élevé. On chargea Augusta d'aller à la recherche de son frère et de l'envoyer à la comtesse dans le petit salon où celle-ci devait prendre son thé toute seule, séparée du commun des mortels, et où elle comptait donner à son neveu une grande leçon de morale. Augusta n'eut pas de peine à trouver Frank. Mais elle le trouva dans la pire des mauvaises compagnies, et elle ne put s'empêcher de penser à tout ce que venaient de dire sa tante et sa cousine. Frank se promenait avec Mary Thorne. Nous ne nous arrêterons pas à chercher comment il s'était débarrassé de son ancienne passion pour retourner à la nouvelle, ou plutôt comment il s'était débarrassé de la nouvelle pour retourner à l'ancienne. Toujours est-il que si Lady Arabella avait su tout ce qui se passait, si elle avait su combien il était prêt de commettre l'iniquité du vieux M. Bateson et la folie du jeune M. Avebury, elle aurait eu hâte de l'envoyer à Courcy près de Miss Dunstable. Quelques jours avant le commencement de notre histoire, Frank avait juré dans toute la sincérité de son cœur qu'il aimait Mary Thorne avec une passion que les mots ne pouvaient rendre, qu'il ressentait pour elle un amour que rien ne pourrait jamais altérer ni rebuter, pas même ses dédains à elle, qu'il l'épouserait envers et contre tous, et que si elle ne l'aimait pas, il... Oh, Mary, m'aimez-vous? Ne m'aimez-vous pas? Ne voulez-vous pas m'aimer? Dites que vous le voulez. Mary, chère Mary, dites-le, voulez-vous? Répondez-moi de grâce. » C'était avec une éloquence semblable que le jeune héritier de Greshamsbury avait essayé de gagner le cœur de la nièce du docteur, et cependant, 3 jours après, il papillonnait autour de Miss Auriel. Et qu'avait répondu Mary quand toutes ses protestations d'un amour sans bornes avaient été déposées à ses pieds? Rappelons-nous qu'elle avait à peu près le même âge que Frank. Mais comme on l'a souvent dit, les femmes se développent plutôt que les hommes, et quoique Frank ne fût guère encore qu'un enfant, il n'était plus permis à Mary de l'être. Frank pouvait, sans se rendre coupable, mettre dans une déclaration qu'il croyait sincère toute la passion qu'il croyait ressentir. Mais Mary devait être plus réfléchie, plus réservée. Elle devait se souvenir de leurs positions respectives, surveiller plus attentivement ses sentiments et surtout ceux du jeune homme. Cependant, elle ne pouvait recevoir cette déclaration comme toute autre jeune fille aurait pu le faire. Il est rare qu'un jeune homme se permette une familiarité avec une jeune fille qu'il connaît à peine. Mais lorsque leur connaissance date de loin, une certaine familiarité s'établit tout naturellement entre eux. Frank et Mary avaient été si souvent ensemble pendant leur enfance et plus tard pendant les vacances du jeune homme que lui ne ressentait pas pour elle la crainte qu'éprouvent ordinairement les hommes vis-à-vis des femmes en pareil cas. Et pour elle, elle était si accoutumée à son humeur enjouée, à ses plaisanteries, à son caractère jovial, qu'il lui était presque impossible de découvrir et d'arrêter d'un regard la première nuance du passage de l'affection d'un enfant à l'amour d'un homme. Béatrice avait beaucoup contribué à tout cela. Elle s'était amusée à tourmenter Mary et Frank de leur petite passion, tout en évitant de le faire devant sa mère ou sa sœur, établissant ainsi un petit mystère entre elle et eux, et leur donnant presque à penser qu'il pourrait y avoir quelque chose de sérieux dans tout cela. Elle n'avait jamais songé à encourager un mariage entre Mary et Frank, loin de là, mais elle était enfant, irréfléchie, imprudente, ne ressemblant en rien aux deux Courcy. Cependant, elle avait comme eux une grande vénération pour leur rang. Lady Amelia n'aurait jamais consenti à déroger, mais elle trouvait que l'argent faisait passer par-dessus bien des choses. Quant à Béatrice, elle avait sincèrement honte du mariage de sa sœur, et elle s'était souvent dit que rien au monde ne lui aurait fait accepter M. Moffat. Elle l'avait même dit à Mary, qui était de son avis. Mary aussi tenait à la naissance. Elle était fière de l'origine de son oncle, et les deux jeunes filles avaient souvent causé longuement et confidentiellement des vieilles traditions de famille. Béatrice en avait parlé, ignorant complètement l'origine de son ami, et Mary, la pauvre Mary, en avait aussi parlé avec la même ignorance, mais avec le doute cruel qu'un jour on viendrait lui révéler quelque terrible vérité. Il y avait une chose dont Mary ne doutait nullement. Ni la fortune, ni les avantages que le monde peut offrir ne constituaient à ses yeux la véritable supériorité. Si elle était née gentlewoman, elle était digne de s'allier à n'importe quel gentleman. Que l'homme le plus riche de l'Europe mît sa fortune à ses pieds, elle pouvait, si telle était son inclination, lui donner en retour plus que cela. Elle savait qu'aucune fortune, quelque grande qu'elle fût, ne pourrait la tenter de vendre son cœur, sa liberté, son âme. Si elle était née gentlewoman? Deux questions se présentèrent alors à son esprit. Qu'est-ce qui constitue le gentleman? Qu'est-ce qui constitue la gentlewoman? Est-ce la réalité intrinsèque, la quintessence spiritualisée de ce privilège spécial que le monde appelle rang, qui force la multitude à rendre hommage à ses quelques élus? Qu'est-ce qui donne, ou peut donner, ou devrait donner la vraie distinction? La réponse ne se fit pas attendre. Le mérite intrinsèque, reconnu et individuel, doit assurer un rang distingué à celui qui le possède, quel qu'il soit d'ailleurs. On voit que, jusque-là du moins, l'esprit démocratique était bien en mairie. Passé cela, le rang était un bien qui ne se transmettait que par héritage, et ici, l'esprit aristocratique reprenait le dessus. Mairie, comme on se l'imagine facilement, avait appris tout cela de son oncle et faisait de son mieux pour inculquer ses principes à Béatrice, l'amie de son cœur. Franck avait demandé une réponse à Mary. Elle convint qu'il en avait le droit et elle lui répondit « Monsieur Gresham. »« Oh, Mary. Monsieur Gresham. »« Oui, Monsieur Gresham. Et à l'avenir, ce sera Monsieur Gresham et Miss Thorne. »« Je vais être pendu s'il en est ainsi, Mary. » »« Je ne puis pas dire que je serai pendu s'il n'en est pas ainsi, » dit Mary. « Mais si vous n'y consentez pas, vous serez cause que je quitterai Greshamsbury. »« Comment ?» « Vous pensez que ma mère... »« Non, vraiment, » dit Mary en lançant à Franck un regard qui lui fit presque reculer. « Je ne vais rien dire de la sorte. Je parle de vous et non de votre mère. Je n'ai nullement peur de Lady Arabella, mais bien de vous. »« De moi, Mary ?»« Miss Thorne, s'il vous plaît, souvenez-vous-en. Miss Thorne, ne me bannissez pas de Greshamsbury, ne me séparez pas de Béatrice. Il n'y a que vous qui puissiez me faire partir. » Je pourrais tenir tête à Lady Arabella, je le sens. Mais je ne saurais vous résister si vous me traitez autrement que... Que quoi ? Je vous traite comme celle que j'ai choisie pour ma femme. Je regrette que vous ayez si tôt jugé nécessaire de faire un choix. Ce n'est pas le moment de plaisanter, Monsieur Gresham. Je suis sûr que vous ne voudriez pas me faire du tort. Mais si vous me parlez ainsi, vous m'en ferez assez pour m'obliger à quitter Greshamsbury et vous êtes trop généreux pour me forcer à en dire là. C'est ainsi que finit l'entretien. Franck, naturellement, monta à sa chambre pour voir si, dans le cas où l'existence lui deviendrait insupportable, ses pistolets seraient en bon état. Il s'arrangea cependant à vivre jusqu'à sa majorité, dans le but probablement de ne pas désappointer les invités.